Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode 0 de Chapitre 1er, qui consiste en la présentation du projet. Chapitre 1er est une sorte de mini-livre audio, puisqu'il ne vous proposera que le premier chapitre de grandes œuvres littéraires. Que ce soit Kafka, Lovecraft, Camus ou bien même Voltaire, il y aura de toutes les époques, de toutes les nationalités, de tous les genres, puisque c'est ça la littérature finalement. L'intérêt du podcast ne se situe pas, à mon sens, dans la voix, mais dans le travail d'immersion via le sound design. Ainsi, j'espère que je pourrai vous faire rentrer dans ces mondes de papier, en espérant vous donner envie de découvrir ou redécouvrir ces œuvres dans leur globalité, et en espérant que le projet vous intrigue et vous plaise. Je vous dis donc à très bientôt pour le premier épisode de Chapitre 1er.